Salut à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission Auto Hebdo, 17e émission, et surtout, bonne année 2026 à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver et de vous faire passer eh bien, cette nouvelle année de sport mécanique en notre compagnie. Aujourd'hui, pour la première fois dans le studio de l'émission, pendant une émission, Pierre Barré, comment ça va Pierre? Eh bien ça va super. Merci Michael, bonne année. Bonne année. À toi, bonne année à vous toutes et tous. Hein. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes Michael. Elles furent très bonnes, mais on a quand même envie de s'y remettre. Hein. C'est fou ça, mais voilà. Les périodes de coupure sont de plus en plus courtes, on a envie d'y retourner. Toi, ça s'est bien passé? Bah ouais, parfait. Puis j'ai envie de te dire, de toute façon, on a déjà de l'actu à traiter, donc pour le coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Exactement. On est déjà de retour à l'action. Exactement, parce que là, vous avez peut-être froid chez vous en regardant cette émission. Eh bien, rassurez-vous, vous vous envoyez au soleil dans quelques instants. On va retrouver Cyprien Juillard qui est au Dakar 2026, qui a débuté donc ce dimanche avec la première étape. Il va vous en parler, évidemment, on ira le retrouver là-bas. Et puis, avec Pierre, on fera aujourd'hui eh bien, une petite preview de ce qui peut se passer en 2026 et surtout de quelles personnes vont faire 2026, qui est aussi le thème de notre nouveau numéro d'Auto Hebdo qui sera disponible dès 20h en version numérique et dès mercredi en kiosque. Et donc voilà, on vous donnera quelques pilotes à suivre, quelques écuries aussi à suivre sur cette saison 2026. Je vous propose qu'on débute, mon cher Pierre, et qu'on aille voir un petit peu ce que Cyprien nous fait là-bas. Eh ben allez, c'est parti, réchauffons-nous un tout petit peu. Le voici, on ne vous a pas menti, Cyprien Juillard, dans le bivouac du Dakar 2026. Salut Cyprien, bonne année aussi bien sûr, et surtout avant de parler de la course, on a quand même une question à laquelle on veut avoir une réponse. Comment ça se passe cette acclimatation sur le Dakar? Salut Michael et salut à tous. Bah écoute, mon adaptation se passe à merveille ici. Je dois avouer que c'est forcément très dépaysant. Et puis, quand on est passionné de sport mécanique et quand on en a fait notre métier comme nous qui avons la chance d'être journalistes dans ce secteur-là, c'est forcément un rêve de venir ici au Dakar, de découvrir ce bivouac. Donc on est ici à Yanbu, c'est le premier bivouac de tout ce Dakar 2026. Et non, tout se passe à merveille. On est ravis, on a l'occasion d'échanger avec les pilotes, avec les équipes. Pour le moment, tout se passe bien. C'est évidemment le début. Une seule étape et un prologue qui se sont disputés. Mais on a forcément tous hâte de voir la suite et puis de faire vivre la suite aussi à tous nos lecteurs, nos internautes et nos abonnés sur les réseaux sociaux. Et alors Cyprien, au moment de tourner, on annonce tout ça à nos amis, au moment de tourner l'émission, la deuxième étape est en cours, mais on n'en aura pas les résultats évidemment avant de terminer notre tournage. Mais d'ici là, on peut quand même évoquer la première étape, la victoire de Guillaume Demévius et Mathieu Baumel, la formidable histoire déjà de ce Dakar. Mathieu Baumel, amputé de la jambe droite il y a 11 mois, est déjà vainqueur. Bah évidemment, c'est la très très belle histoire de ce début de rallye, Guillaume Demévius et Mathieu Baumel qui ont remporté la première étape. Et puis je suis juste devant leur voiture que vous voyez derrière moi qui sort justement de cette première étape. Victoire donc pour l'équipage X-Red Mini. Alors une victoire évidemment qui leur fait très plaisir puisque Mathieu Baumel, comme tu l'as dit Michael, a été amputé d'une jambe suite à un accident en janvier dernier. Il avait été fauché par une voiture alors qu'il venait en aide à des personnes sur le chemin du Monte Carlo historique. Donc forcément, après une année de convalescence, on est tous très heureux ici dans le bivouac de le revoir à ce niveau-là. Déjà, de le voir présent, c'était, comme il nous l'a dit lui-même, c'était une première victoire pour lui. Alors en plus de le revoir gagner une étape, voilà, c'était l'objectif du Dakar, ça a été réalisé dès la première journée. C'est quelque chose d'assez fantastique qui a été unanimement salué évidemment par tout le monde, par tous les concurrents, par son équipe et par Guillaume Demévius. Je voudrais aussi parler un peu d'eux parce que ça a été des personnes qui ont été très importantes dans le processus de guérison de Mathieu Baumel et surtout de convalescence. Puisque il le dit lui-même, c'est des gens qui ne l'ont jamais lâché, qui l'ont toujours soutenu, qui ont toujours cru en lui, cru en son retour, cru en sa capacité à être au départ de ce Dakar 2026. Guillaume Demévius n'a jamais cherché un autre copilote. X-Red n'a jamais pensé, justement, je discutais avec des gens d'X-Red qui me disaient qu'ils avaient évidemment jamais considéré la possibilité de prendre un autre copilote pour Guillaume Demévius. Donc voilà, c'est un très beau signe de confiance qui a bien aidé Mathieu Baumel à remonter la pente dans ces moments compliqués. C'est passé pas mal d'autres choses sur ce début de Dakar. On a vu notamment les nouveaux Ford Raptor qui ont été très très performants. Un beau tir groupé, 5 dans le top 10 de la première étape, dont le privé Martin Prokop, puis évidemment les 4 officiels Nani Roma, Carlos Sainz, Mathias Ekström et Mitch Guthrie. Du côté de chez Dacia, c'est pas mal, en tout cas on voit que la voiture marche bien puisque Nasser Al-Attiyah a fait 2e de la première étape. Pour Sébastien Loeb, Lucas Moraes et Cristina Gutiérrez, c'était un peu plus loin. Il faut toutefois souligner que l'objectif de ces pilotes-là, c'était pas de remporter la première étape, puisque remporter la première étape vous contraint à partir premier de la seconde spéciale qui sera compliquée, qui sera caillouteuse dans ses premiers mètres. D'ailleurs, Guillaume Demévius et Mathieu Baumel n'avaient pas spécialement prévu de gagner, donc ils étaient heureux de le faire évidemment, mais un peu étonnés aussi. Donc du côté de Dacia, du côté de Toyota aussi, où les 3 officiels sont un peu plus loin, bon, pas d'alerte principale, ils ont limité la casse, on va dire, pour ne pas perdre trop de temps. Celui qui a en revanche perdu pas mal de temps, c'est Yazid Al-Raji qui a raté un waypoint, qui a été pénalisé de 15 minutes du coup, et le temps de retrouver ce fameux point de passage obligatoire, et bien, il a finalement accusé un débours de 28 minutes 50. Donc c'est dur pour le tenant du titre. On sait aussi qu'il avait été blessé aux vertèbres sur une barra en Jordanie au cours de la saison 2025, qu'il avait tout simplement privé de plusieurs mois de compétition. Il était revenu en fin d'année dernière, c'était pas très glorieux, pas très convaincant. Là, son début de Dakar n'est pas très bon pour le moment, mais il ne faut jamais enterrer un Saoudien à domicile. Évidemment, il connaît le désert mieux que personne, Yazid Al-Raji, donc il sera un concurrent jusqu'au bout. Et puis surtout, s'il y a des problèmes devant lui, il peut vite rattraper cette petite demi-heure de retard. Merci Cyprien, et on aura encore une fois Cyprien la semaine prochaine, bien sûr, dans l'émission pour parler du Dakar. Et puis d'ici là, vous allez sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo, vous avez toutes ces vidéos qu'il fait en collaboration avec Roule. Il a déjà interviewé pas mal de beaux mondes. On a eu Mathieu Baumel, Sébastien Loeb, Stéphane Peter Hansel, Sarah Price aussi, sa coéquipière chez Defender. Bref, de quoi bien s'amuser, et il y en a 4 par jour minimum, donc au moins vous avez du contenu. Puis ils sont sous le soleil pour l'instant en Arabie Saoudite, donc on va espérer que ça dure. Hein. Eh bien, ils ont bien de la chance, en tout cas, on leur souhaite que ça dure. En tous les cas, on leur souhaite également. Et on va donc maintenant passer au gros morceau, on va dire, de cette émission. Ils vont faire 2026, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. On avait terminé l'année avec le top 50 des pilotes, qui a fait parler. Je pense qu'on peut le dire, mon cher Pierre. Ah, c'est clair. Il a fait parler. Quelques-uns d'entre vous n'étaient pas forcément toujours d'accord avec nos choix. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut aussi analyser le potentiel du concurrent, le potentiel du pilote qu'on a mis en avant et le palmarès dans la saison qui venait de s'écouler dans sa discipline. C'est aussi la raison pour laquelle on a fait des choix. Voilà. C'est ça. C'est un exercice qui n'est pas simple. Il faut faire des choix, mais c'est aussi très bien de créer la discussion comme ça et d'en parler ici. Rassurez-vous, c'est pas un top, hein, c'est juste, mais on va vous noter quelques pilotes qu'il faudra suivre, quelques écuries aussi qu'il faudra suivre sur cette saison 2026, qui s'annonce être une saison de pas mal de changements aussi dans les différentes catégories. Le premier dont on veut évoquer le nom ici, c'est évidemment Isaac Hadjar. Il est juste derrière Pierre, déjà, évidemment, et puis surtout Isaac Hadjar, il arrive chez Red Bull, il va être l'équipier de Max Verstappen, et alors si tous les précédents, évidemment, s'y sont un petit peu cassés les dents, il a une opportunité exceptionnelle, Isaac Hadjar, c'est-à-dire qu'il vient dans une équipe avec un tout nouveau changement de règlement, un Max Verstappen qui est assez peu loquace sur son avenir, il dira non, mais moi si ça ne me plaît pas, je peux partir. Est-ce que ce serait pas le moment parfait pour Isaac Hadjar d'arriver chez Red Bull ? Alors, c'est le moment parfait, mais c'est un défi qui est immense, parce qu'on sait que par le passé, tous les coéquipiers de Max Verstappen se sont cassés les dents sur cette Red Bull qui n'est pas forcément taillée pour Max, mais qui est tellement fine en pilotage, qui est tellement complexe, finalement, à piloter, qu'elle correspond à merveille à ce que souhaite, justement, Max Verstappen. C'est Alex Albon, dans une interview il n'y a pas si longtemps, qui disait justement que c'était un petit peu, finalement, piloter la Red Bull, c'est comme prendre une souris d'ordinateur, la mettre sur la sensibilité max et essayer de s'en servir quand même. C'est très compliqué à faire. La Red Bull est un petit peu comme ça. Max sait s'en servir de cette manière-là. Mais par contre, c'est très difficile en général pour les autres pilotes, pour ses coéquipiers de s'en sortir. Donc on souhaite à Isaac, évidemment, que ça se passe mieux qu'Alex Albon, mieux que Pierre Gasly, mieux que Sergio Perez, mieux que Yuki Tsunoda, que Liam Lawson aussi, il ne faut pas l'oublier. Il a fait très très longtemps, le pauvre Liam, mais il est quand même passé par là. On souhaite à Isaac, évidemment, que ça fonctionne. Pourquoi pas de faire de nouveau résonner la Marseillaise, ça serait la troisième fois de la décennie, ça serait quand même magnifique après Gasly et puis Ocon. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est aussi excitant qu'effrayant, j'ai envie de dire, pour la carrière d'Isaac. C'est quasiment du quitte au double parfois, hein, quand on va dans la grande équipe Red Bull. C'est vrai que la Marseillaise, je me suis fait la remarque, ça fait un bail, ça va, 2021, ça va. Quand on sait qu'il a fallu attendre entre 96 et 2020, exactement. Ça va. Moins d'un an entre les deux dernières Marseillaises, ça c'était plutôt pas mal. Merci Pierre, merci Esteban. Clairement. Mais c'est vrai qu'on avait attendu un petit peu depuis Monaco 96. Ouais, depuis Olivier Panis, c'est sûr que c'était plus compliqué. En Formule 1 aussi, ce qu'on va suivre, évidemment, c'est les arrivées d'Audi et de Cadillac. Alors Audi, une semi-arrivée, hein, puisqu'ils reprennent l'écurie Sauber, mais ils vont faire leur propre moteur, donc ils vont quand même avoir cette nouvelle donne. Cadillac, par contre, on démarre de zéro, avec des moteurs Ferrari, donc ça, ils seront un peu tributaires de ce que la Scuderia a pu faire, on va dire, comme travail sur ces nouveaux blocs propulseurs pendant l'hiver. Mais c'est bien aussi, parce que ça faisait quand même depuis As qu'on n'avait pas vraiment eu une nouvelle équipe en Formule 1. Ça renouvelle un peu la grille. Sergio Perez et Valtteri Bottas seront donc les pilotes, donc ça ne renouvelle pas tout de suite la grille, mais peut-être plus tard. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre, de cette arrivée de Cadillac et de ce défi Audi aussi qui vient avec des moyens quand même, hein. Bah, c'est clair. Alors déjà, pour commencer avec Cadillac, tu parlais de Haas. la dernière fois qu'une nouvelle équipe de Formule 1 arrivait en F1, c'était il y a 10 ans, c'était en 2016. C'était une écurie américaine avec un moteur Ferrari, et ça s'était soldé par une arrivée dans les points dès le premier Grand Prix, hein. On s'en souvient, avec Romain Grosjean. Donc on va souhaiter la même chose à Cadillac. Moi, je pense que sur le papier, il y a quand même un projet qui a été mûrement travaillé. On sait qu'au début, la famille Andretti était très impliquée là-dedans. On sait pas exactement après derrière comment ça s'est goupillé. Enfin, en tout cas, il y a eu une mise à l'écart, on va dire, de la famille Andretti. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup d'ingénierie, on va dire, de toute l'expertise de la famille qui a aussi, à un moment donné, permis de travailler là-dessus. Il y a Simon Pagenaud qui a beaucoup travaillé aussi sur le simulateur. Moi, je pense qu'ils arrivent quand même avec des ambitions. Après, c'est toujours pareil, hein, la Formule 1, c'est la loterie. Il suffit qu'au moment où on ait défini la voiture, il y ait un petit truc qui ne fonctionne pas exactement comme il faut, ou en tout cas qu'il y ait une grosse différence entre la soufflerie et puis la piste. Et puis, bah, tout de suite, tout se casse un petit peu la figure. Mais ça sera quand même intéressant. Sergio Pérez, Valtteri Bottas sont des pilotes d'expérience. Ouais, c'est solide, hein, comme c'est ça. C'est important pour lui. C'est ça. Ils vont forcément faire remonter de la data, peut-être un peu plus que des très très jeunes pilotes. Il y a toujours ce fantasme aussi, je pense, pour les Américains d'avoir un pilote américain à un moment donné sur la grille. Pour l'instant, je pense qu'ils font mieux de consolider tout ça avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas, qui sont d'excellents pilotes, sont des anciens vainqueurs de Grand Prix. Ils ont de l'expérience. Ils savent, ils connaissent ce job-là, donc ça, c'est très important pour eux. Donc moi, je suis curieux de voir Cadillac. Après, Audi, bon, c'est toujours pareil. On a vu finalement la période de transition Sauber-Audi. Est-ce qu'on sera vraiment sur du 100% Audi dans l'esprit, ou est-ce qu'on aura encore un petit peu d'ADN Sauber? C'est un peu compliqué à dire pour l'instant. L'équipe reste la même, mais c'est en même temps, Audi a racheté toutes les parts, donc c'est complètement Audi. Mais exactement. Bon, c'est les mêmes ingénieurs, ce sera Inwheel aussi, même s'ils ont plusieurs sites chez Audi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu mélange des gens, à voir comment ça va se passer. Ils ont quand même bien avancé leur pion sur les années écoulées ici. Mattia Binotto, Jonathan Whitley, qui ont pris en charge l'équipe. Donc à voir ce que ça va donner. Aussi pour Cadillac, on cite Guan Yu Zhou, qui vient d'être confirmé comme pilote de réserve. Alors, certains se disent, mais pourtant, ils avaient annoncé Colter Herta, mais Colter Herta est pilote d'essai, puisqu'il n'a pas les points de super licence pour remplacer Pérez ou Bottas sur on aurait pu mettre Colton Herta d'ailleurs. Ouais, on va en parler dans le mag d'ailleurs, n'hésitez pas, mais il y aura un petit mot là-dessus. Exactement, parce que là on vous en cite quelques-uns, mais il y aura beaucoup plus dans notre large dossier dans le magazine cette semaine. Mais c'est vrai que Colton Herta, il a quand même un rôle dans la saison de Cadillac cette année, parce qu'il ne s'en cache pas trop chez Cadillac et chez TWG Motorsport avec Dan Torris qui gère tout ça. Globalement, si Herta gagne ses points de super licence, il est titulaire en 2027. Normalement. Maintenant, c'est très gentil, mais ils ont deux pilotes sous contrat. Alors, on n'a pas les données de contrat à date jusqu'en 2027, mais comment choisir entre un Bottas et un Pérez? Qui va rester? Qui va être sur la touche si Colton Herta doit arriver? Là, ça va être un peu compliqué peut-être à gérer pour Cadillac, mais bon, ils n'en sont pas encore là. Eux, ils arrivent effectivement, tu le dis, avec des ambitions, mais qui sont mesurées. Ils ont admis que leur objectif est de gagner le titre un jour, mais qu'en 2026, ils seront... Dans leur propre dire, ils seront en fond de peloton. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. As devait être très long aussi. Ils font deux premiers Grands Prix exceptionnels avec Romain Grosjean notamment. Et ils avaient Esteban Gutiérrez dans la voiture, un Mexicain aussi. Exactement. Donc, il n'y a que des rapprochements entre Bon, on souhaite quand même un meilleur début de carrière chez As pour le Mexicain de chez Cadillac que le Mexicain de chez As, parce que c'était très très mal terminé à Melbourne. Bah, surtout, on l'espère pour Fernando Alonso, qui sera là aussi. Il y a du coup un pilote de voiture. Il doit avoir ça, il doit avoir une équipe américaine qui arrive, un pilote mexicain, il doit dire ouh là là là, non, moi je ne m'approche pas. Ah, s'il se qualifie dans le même coin, il va dire non, c'est pas possible, ça va être terrible. En rallye, mon cher Pierre, ben. On a envie de dire que le dauphin du WRC, Elvin Evans, quintuple vice-champion du monde, est-ce que ça peut être enfin son année cette année encore une fois ? C'est toute la question. Le problème, on en parle d'ailleurs justement là dans les prochains articles que vous lirez, alors pas forcément dans ce mag-là, mais on a un guide WRC aussi qui sort, on peut en faire déjà la promotion, ça sera la semaine prochaine. La question, véritablement, concernant Elvin Evans, c'est est-ce qu'il a déjà atteint son plafond de verre, en fait, ou est-ce que malheureusement les planètes ne se sont jamais alignées, et est-ce que c'est pour 2026 ? C'est la grande question. Mais c'est vrai que 2025, il a eu face à lui une opportunité exceptionnelle de remporter le titre avec un Sébastien Ogier qui n'était pas là sur toute la saison, avec Thierry Neuville, Hoyt Tanak, Calero Van Pera, deux de ces trois-là ont joué le titre jusqu'au bout, mais globalement, on va pas se mentir, ils sont passés quand même un petit peu à côté de leur saison. Ils avaient largement de quoi faire mieux. Evans avait largement de quoi jouer le titre, ça ne l'a pas fait. Donc la question qu'on se pose, c'est maintenant, effectivement, va-t-il en profiter? Il n'y a plus Tanak, il n'y a plus Rovan Pera, donc ça en fait déjà deux de moins. Quel sera le niveau de forme de Thierry Neuville? Ça, c'est la grande question. Et de la Hyundai aussi. Et de la Hyundai. Tout à fait, dans une saison où il n'y aura pas énormément d'évolution sur les voitures, puisqu'on le rappelle, il y a une nouvelle réglementation qui arrive pour 2027, et justement, côté Toyota, notamment pour Elfyn Evans, les forces seront plus concentrées sur le développement d'une nouvelle voiture que sur le développement de la voiture actuelle. Mm-hmm. Donc, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, mais évidemment, sur le papier, c'est le méga favori. Grand favori de cette saison 2026 en WRC. Sachant que Sébastien Ogier va faire un rallye de moins, donc déjà... Un rallye de moins que l'année dernière. L'année dernière. Exactement. Donc déjà, ça semble bien parti pour Emily Evans, mais il y a un certain Oliver Solberg qui arrive à temps complet aussi chez Toyota, et peut-être que l'arrivée du loup dans la bergerie va rendre la partie difficile. Exactement. Ça peut être un peu compliqué. Ça va être une année 2026 aussi assez forte, évidemment, du point de vue de l'endurance, avec l'arrivée de Genesis, qui là, pour le coup, ils viennent avec des ambitions, ils viennent avec des moyens très imposants aussi, avec cette Genesis GMR 001 qu'on a eu l'occasion d'aller voir en essai à Barcelone il y a quelques semaines. Des pilotes d'expérience, on pense à André Hauteur, Pippo Derani, Paul Louchatin, qui est là aussi, Mathieu Jaminet, pas mal de Français aussi dans cette équipe qui est basée dans le sud, près du circuit Paul Ricard. Maintenant, Genesis, ils arrivent quand même dans un championnat qui est désormais mûr. Les précédents, l'MDH qui était arrivé, c'était les premières années, là maintenant, ça paraît quand même être complexe, même si on sait que Cyril Abitbol a quand même construit une équipe pour gérer ce constructeur-là, quand même assez forte. Ouais, le défi, il est important aussi pour Genesis, parce que c'est clair que, comme tu le dis, le championnat, il est bien installé, tout le monde a ses marques. Maintenant, justement, le parallèle est intéressant avec le WRC, puisque finalement, il y a quand même pas mal de forces vivres. On rappelle que Genesis, c'est Hyundai, exactement, c'est la marque de luxe de Hyundai. C'est exactement ça. Donc, il y a quand même des forces vives du programme WRC qui ont été switchées, on va dire, du côté de Genesis en endurance. Il y a des moyens financiers aussi qui ont été, on va dire, mis à disposition plutôt du WEC que du WRC. Donc pour toutes ces raisons, c'est clair que c'est l'un des plus gros constructeurs mondiaux qui débarque dans l'un des championnats les plus importants de la planète, avec forcément des moyens. Un line-up super intéressant, parce que je trouve qu'il fait la part belle entre l'expérience, tu parlais d'André Lotterer notamment, moi je pense aussi à un garçon qui s'appelle Mathis Jaubert, bien sûr, qui va faire ses débuts en hypercar, c'est juste énorme. Et qui, lui, à mon avis, va faire très très mal aussi. Il y a des chances, il y a des chances. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle histoire, Mathis, parce que c'est un petit jeune qu'on a vu démarrer dans la PCCF notamment, dans des choses, on va dire, à dimension nationale. Il y a un step qui est immense entre la PCCF, sans faire aucunement injure à la PCCF, qui est un championnat génial, mais je veux dire, entre faire de la PCCF et faire de l'hypercar, aller faire les 24 heures du Mans, il y a un monde qui est énorme. Et coup de chapeau, pour le coup, à Genesis de donner cette chance-là à des garçons comme ça, et de les mettre avec un Mathieu Jaminet, avec un Paul Louchatin, comme tu disais, avec tous ces garçons-là. Franchement, c'est super cool, c'est vraiment prometteur, et ça donne envie. On a Danny Moncadella aussi qui fera partie de l'aventure, qui lui en plus est arrivé en remplaçant Logan Sargeant, qui finalement n'était pas là. Et donc il a réussi à trouver ce projet-là. Ça va être très intéressant à suivre. Côté français, on aura aussi Théo Pourchaire qui fait ses débuts officiels chez Peugeot. Il a roulé évidemment aux 8 heures de Bahreïn pour compléter la saison 2025, mais désormais il est pilote à temps plein. Et il nous l'avait dit, on peut retrouver d'ailleurs son interview en vidéo, il nous a dit son objectif c'est d'en gagner une cette année. Ce serait bien qu'il le fasse, puisque ça permettrait aussi à Peugeot de dire qu'ils auraient gagné en WEC. Et on rappelle que ça n'est jamais arrivé, puisque Peugeot a quitté l'endurance avant la création du WEC, la même année. Donc ce serait une première en championnat du monde d'endurance pour Peugeot, qui va devoir aussi réaliser une saison 2026 pleine, parce que ce projet 9X8 commence à avoir quelques années, mais ça s'est mieux passé fin 2025, donc peut-être que ça pourra continuer dans cette voie-là. Du côté du MotoGP, Marc Marquez, évidemment, mais ça, vous le lirez dans le magazine, parce qu'on sait que c'est le grandissime favori, mais je veux qu'on parle de Toprak Razgatoglu, notre ami turc, qui est triple champion du monde de Superbike, et qui arrive à 29 ans dans la catégorie reine, avec derrière lui, quand même, fanfare et trompette, on va dire. Il est très, très, très attendu. Maintenant, il arrive avec la moins bonne moto du plateau, la Yamaha, c'est la pire moto, clairement, chez Pramac, qui est l'équipe satellite, avec des pneus Michelin avec lesquels il n'a jamais réellement roulé. Je ne sais pas toi Pierre, moi j'ai un peu peur qu'on en fasse énormément sur Toprak, mais qu'en fait c'est plutôt 2027 et l'arrivée des nouvelles motos et des Pirelli qu'il connaît déjà, où là on pourra le voir, mais 2026 pourrait être un peu compliqué. Je pense que t'as à peu près tout résumé, c'est-à-dire que Toprak c'est une superstar, clairement, en Turquie notamment, forcément dans son pays il est considéré comme un sportif vraiment de très très haut niveau, une personnalité de très haut niveau, c'est un énorme talent, c'est très certainement l'un des tout meilleurs pilotes de moto, toutes catégories confondues de la planète, c'est un très très gros freineur, notamment notamment Toprak, donc il est capable d'emmener énormément de vitesse dans les courbes, mais effectivement avec une superbike et avec des pneus Pirelli qu'il connaît. On rappelle aussi la différence entre une superbike qui est à la base une moto de série en c'est version ça. Sportive et une moto GP qui est un prototype, donc c'est pas du tout la même chose. La Yamaha, c'est pas la meilleure des motos effectivement, même si il y a eu quand même pas mal de jetons de développement, hein, si voilà, je puis dire. Ils essayent au maximum. En tout ils avaient les concessions, donc ils ont pu en profiter pour refaire évoluer la moto. Tu précises effectivement que Toprak sera chez Pramac. On précise, c'est important de le dire, que Toprak aura un contrat Yamaha quand même, hein, donc oui, il ça. Disposera d'un matériel d'usine, même si bien sûr ça sera pas avec justement avec Fabio Quartararo notamment dans l'équipe officielle. Moi, j'ai envie de dire que oui, 2026, ça ne sera pas l'année où on verra Toprak jouer la gagne, sauf s'il y a des opportunités, ce genre de choses. Hein. On a bien vu des choses assez atypiques se dérouler la saison dernière en MotoGP. On pense à la victoire de Johan Zarco, non pas qu'elle ne soit pas méritée du tout, mais c'est vrai que c'était dans elle un contexte... Elle était inattendue, ça c'est sûr. Inattendue, on va dire ça comme ça, et on prie hein, pour qu'il y en ait d'autres. Ah, moi, je demande de la pluie au Mans chaque année. Ah, c'est clair. Moi, je suis partant. En plus, comme tu n'es pas très loin, tu peux faire la danse de la pluie, toi, ça va plus vite. C'est ça. Sur le secteur. Mais pour revenir à Toprak, clairement, là, pour l'instant, c'est une saison d'acclimatation, je pense. Le temps que la Yamaha revienne au niveau, le temps que lui prenne ses marques, il y a cette euphorie, là, il faut que ça retombe un petit peu. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a forcément énormément d'attentes. Ça me fait penser un petit peu dans les années 2000, quand on avait des garçons type Cristiano D'Amata qui arrivait en Formule 1, qui étaient des superstars aux États-Unis, qui arrivaient là en F1, tous les regards étaient rivés sur eux, mais. Attendez, c'est pas le même monde, c'est pas c'est la ça. Même chose, c'est pas la même discipline, mais c'est clair que par contre, 2027, si la Yamaha est au niveau, si la moto a repris un petit peu du galon, on verra aussi ce qui se passe du côté d'Alex Rins, hein, parce que voilà, ça peut peut-être évoluer Rins, aussi chez Yamaha. Ouais, ça semble difficile pour lui de continuer, clairement. Ouais. Voilà, on n'est pas non plus à l'abri, 2027, que l'équipe usine, ça soit Fabio Quartararo ou quelqu'un d'autre, mais que en tout cas, Toprak y soit. Ouais. Donc si là, il a la moto d'usine, une moto qui marche mieux, des pneus Pirelli dont il connaît en tout cas le comportement, là par contre ça peut pourquoi pas fonctionner. Ouais, ça serait pas mal, hein. On a eu des pilotes hein, du Superbike qui étaient venus, Ben Spies aussi notamment, qui est arrivé chez Yamaha il y a quelques années. Ça avait bien marché, mais pas au niveau auquel on pouvait s'attendre. Mais là, ça va être très intéressant de voir ce que va faire Toprak cette année. Un autre qui va être très intéressant à suivre, c'est Mick Schumacher, qui débarque en IndyCar. Il l'a dit lui-même de toute façon, les Schumacher, on roule plus vite quand on voit nos roues. Donc là, c'est bon, il les verra, il n'y aura pas de souci. Les roues sont découvertes en IndyCar. Maintenant, ce sera justement une découverte pour lui de pas mal de choses, Mick Schumacher. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est intéressant de le voir arriver dans un pays où son père n'est quasiment pas connu, honnêtement. Michael Schumacher, ça ne parle pas trop. Et ça peut l'aider justement à avoir moins de pression, parce que là où il était en Formule 1 et chez Alpine en WEC, même si les performances étaient vraiment bonnes et qu'on pouvait se satisfaire, être le fils d'eux, ça peut parfois te desservir. Alors que là, aux États-Unis, il n'aura pas de souci. Oh bah ça lui a coûté sa carrière, hein, de toute façon, pour l'instant, à Mick Schumacher, parce que les expectations étaient tellement élevées, on va dire, quand il est arrivé en Formule 3, puis par la suite, quand il y a eu cette expérience en Formule 1, tout le monde s'attendait forcément, mais c'est humain, hein, c'est naturel. Normal. On s'attendait à voir Michael Schumacher a transmis son talent à son fils. Non pas que ce soit un mauvais pilote, hein, Mick Schumacher, mais c'est peut-être juste pas exactement d'un même calibre que son père, et encore il a quand même fait de la Formule 1, il l'a pas volé, il y est allé, donc ça prouve que c'est un très bon pilote. En endurance, il a pu prouver certaines choses, mais on va pas se mentir non plus, même si on adore suivre le WEC, c'est pas non plus le championnat le plus médiatisé dans sa globalité, ce qui fait qu'on a peut-être un petit peu oublié ce dont il était capable. Moi je pense que le défi IndyCar, c'est le truc qu'il lui faut à l'instant T, c'est parfait aujourd'hui, parce que voilà, clairement il a niveau pour aller jouer la gagne. C'est un petit peu comme quand Romain Grosjean quitté, bon malheureusement pas pour les bonnes raisons, mais il a quitté la Formule 1 fin 2020, qui s'est retrouvé en IndyCar. Bah, tout de suite en fait on se retrouve avec un pilote qui depuis des années jouait un peu les fonds de tableau, donc forcément on avait un peu oublié ce dont il était capable, et bam, d'un coup il se retrouve dans une voiture qui peut jouer des victoires. Forcément ça change tout, et pour Mick Schumacher, bon, je pense que c'est quelque chose qui peut se passer. Il va arriver en plus dans de bonnes conditions, qui plus est en IndyCar. Moi je vois bien être la belle surprise de l'année en IndyCar, et moi je serais Alex Palou, Pato O'Ward, tout ça, je commencerais un petit peu à me méfier quand même. Ça va. Alex Palou, je pense que là, il est dans une posture où il peut se méfier de personne. Il peut se permettre de se méfier, pas se méfier. Mais les autres, ça va être compliqué. Hein, exactement. Les autres, ça peut être difficile. C'est vrai qu'en plus, l'équipe RAL avec laquelle il a signé se structure, s'améliore aussi. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des bonnes prestations dès 2026 pour Mick Schumacher. Mais ça va être très intéressant de voir ça. Puis, ça redonne un peu de sang neuf aussi à une discipline qui a la même voiture depuis des années. C'est bien aussi de la redynamiser un petit peu. Et puis, on va terminer, Pierre, avec quelque chose qui est très proche de nous maintenant, puisque le rallye Monte-Carlo arrive très vite, et donc le début de la saison du championnat du monde des rallyes. Et en WRC2, la deuxième catégorie, on va dire, qui va peut-être donner pas mal de pilotes de 2027 en catégorie RN, on va avoir un sacré contingent français quand même. Et là aussi, hein, on a les Toprak peut-être du WRC 2027 qui sont dans l'attente. Alors, la liste des engagés, elle a été diffusée. Hein, donc, au moment où vous allez pouvoir découvrir cette émission, bah, justement, on a connaissance de cette liste. Et effectivement, côté Rallye 2 et WRC 2, c'est vraiment le Rallye de France. Hein, c'est la fête aux Français. Alors, on a un favori, bien sûr, pour la victoire, pour le titre. C'est Johan Rossel dans la Lancia officielle qui sera justement accompagné par Nicolas Griadine dans l'autre voiture, justement sous la structure officielle. Le petit frère de Johan, Léo, qui sera là chez deux ses compétitions avec une Citroën C3 Rallye 2. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire, Léo, sur l'ensemble de la saison, mais il sera au moins au Monte Carlo avec la C3. On peut compter aussi sur Elliot Delecourt, on peut compter sur Mathéo Châtillon, Mathéo qui lui a justement évoqué qu'il allait étoffer son programme. Il y aura 8 courses notamment cette saison en WRC2 normalement. Pablo Sarrazin, bien sûr, un petit peu dans le même cas de figure que Léo Rossel, hein. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il y a une C3 pour le Monte Carlo, et puis bien sûr ça va aussi dépendre, j'imagine, des perfs qui seront signés. On sera là, bien sûr. Évidemment, ouais. Et puis il y a un garçon là qui vient justement d'annoncer sa participation, c'est Arthur Pellamourgue. Ça sera très intéressant parce qu'Arthur Pellamourgue l'année dernière avait gagné le WRC3 avec la Clio Rally 3. Donc un Monte Carlo dans des conditions un peu givrées sur une 4 roues motrices, il connaît, il sait faire, il a déjà les notes. Il y a des portions assez similaires, hein, justement sur le Monte Carlo 2026 par rapport au Monte Carlo 2025 avec son copilote Bastien Pouget. Je pense qu'ils vont essayer de faire monter un petit peu la sauce, et puis ça sera très sympa avec une Hyundai i20, donc ça va être cool. On n'oublie pas Eric Camilly, bien entendu, qui Eric sera justement, on l'a eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques jours, il sera là tout au long de la saison avec la Skoda. Bref, là pour le coup, on a vraiment un contingent de pilotes français qui est exceptionnel. Et on rappelle juste quand même que le podium l'année dernière du WRC2, c'était 3 Français. Hein. Tout à fait. Johan Rossel, Eric Camilly, Léo Rossel. On rappelle qu'il y avait 2 Français sur le podium, Scratch, avec Sébastien Ogier qui s'était imposé, et Adrien Fourmeau 3e. On veut au moins la même chose. C'est ça. Et on rappelle même, d'ailleurs, petite précision, que toutes les catégories l'année dernière au Monte Carlo avaient été remportées par des Français, puisqu'il y avait eu Arthur Pellamourgue en WRC3, il y avait eu Elliot Delecourt également. Oui, qui avait gagné aussi, oui, c'est et, vrai. Et voilà, tout le monde s'était imposé. Et puis Adrien Rossel et Sébastien Ogier derrière, donc oui, exactement. Non, effectivement, là... On veut pas leur mettre la pression, nos pilotes français. Mais clair. Bon, on va bien falloir faire un bon rallye. Non, mais c'est intéressant effectivement de suivre le WRC2 cette année, parce que comme l'an prochain, il y aura des voitures qui seront très proches dans leur philosophie des WRC2 actuels. Ça va peut-être motiver certaines équipes à aller lorgner une nouvelle fois du côté du WRC2. Et donc voilà, on se demande toujours un petit peu l'avenir. Bah écoutez, on a Adrien Fourbeau, hein, pour le moment où Sébastien Ogier décide de raccrocher totalement. Et puis il y a pas mal d'autres pilotes français aussi justement derrière à suivre. Donc ça va être très très intéressant. Voici quelques-uns et quelques-unes des histoires qu'on va suivre dans cette saison 2026. Il y en a beaucoup d'autres dans le numéro d'Auto Hebdo disponible cette semaine. Hein. On revient à un rythme hebdomadaire. On avait laissé le dernier sur l'argent dans les sports mécaniques 2 semaines en kiosque. Là, maintenant, c'est reparti pour la saison 2026. Donc, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Il est disponible dès 20h, donc en version numérique et en kiosque mercredi. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Auto Hebdo. On souhaite bon courage à Cyprien qui découvre d'ailleurs à partir d'aujourd'hui les joies de changement de bivouac aussi sur le Dakar. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure. Il vous en parlera la semaine prochaine certainement. Merci beaucoup Pierre d'avoir été là. Et merci Michael. Tu prépares pour le Monte Carlo aussi avec le guide WRC donc, qui arrive la semaine prochaine. J'en fais un peu la promotion. Ça ne sera pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine du c'est coup ça. En kiosque. Vous pourrez découvrir justement tout ce qu'il y a à dire sur la saison 2026 du WRC dans toutes les catégories. On essaie d'être au plus large et puis bien sûr avant le Monte Carlo qui arrive très très vite. Ça arrivera très très vite. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à tous.